J'ai un rêve où toutes les armées seront en trêve, où les discours seraient brefs, que le maître devienne élève. Rêve, que ça dit plus dans les rêves. Pendant le jazz, on était payés en faisant grève. Dans mon rêve, c'était Adam et Ève, et pas Adam et Adam, ni Adam et Ève. Rêve, qu'il y ait moins de gens qui crèvent. Dans mon rêve, je porte le glaive et les poings se lèvent. On admet, le Renoir n'est pas un con. Que 400 ans c'est long, j'ai eu le temps pour faire du son. Dans mon rêve, je suis comme au bled. En tête, je coupe les têtes si tu me tiens tête. Dans mon rêve, les enfants ne sautent pas sur des mines. Et la moitié du peuple renie plus leurs origines. Dans mon rêve, tu rêves parce que tu abîmes pour son trim. 18ème, t'es mama dream team. Au poste, de quoi tu rêves? Je veux d'art trop, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le guet? Des rêves, j'en ai plus. Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Des rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru. Hugo poste, de quoi tu rêves? Je veux d'art trop, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le guet? Des rêves, j'en ai plus. Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Des rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru. Si on rêve de s'acheter une bagnole et d'entamer l'assiette, je suis plus vénère qu'un espagnol qui a pas fait la sieste. Quartier hardcore, t'as pas la cote. Si tu tiens pas l'alcool, jeune dans la coque, on mourra jeune même en mangeant des danacoles. C'est pas énorme, esprit de meneur et toutes ces putes m'énervent. Depuis 3 ans que je suis de ménère, c'est chaud, je me souviens plus de mes rêves. Tous tes mérères, sors le grenaille, Paris c'est dégueulasse. Cette année, sous les sapins de Noël, on verra des grenades. Tous nos amicales envers Sarko, pas amical. Les jeunes veulent qu'on cotise pour engager un kamikaze anti-déquise. Chacun son équipe, comme dans le jeu PES, les cas veulent te péter. Si c'est pas eux, c'est les GPIS. Tous les pas, on ne pas. Donnez-moi vite de l'air, on grandit plus. Trop de bouteilles de Sky, pas assez de briques de lait. Faut que j'éménage, je veux une villa avec une grande piscine. On fait le ménage, pas avec des balais, avec des lance-missiles. Rêve d'afro, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le guet? Des rêves, j'en ai plus. Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Des rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru. Hugo Boss, de quoi tu rêves? Rêve d'afro, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le guet? Des rêves, j'en ai plus. Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Des rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru. J'ai fait un rêve, c'est d'être grand comme Big Ben et peser lourd comme Big Fun. Mais manque de bol, ici râle nous est offert. Aucune porte nous est offerte, un seul choix c'est de souffrir. Vouloir partir au paradis, mais y'a pas de Père Noël et ce rêve devient tardif. J'ai voulu passer mon PAC, mais sur chemin j'ai vu passer la PAC. Et mon casier a pris un coup, comme aux incous d'un coup. Un Renoir est devenu qui c'est les gars. Prise des képis, mais au milieu de tout ça rêver n'est plus permis. J'suis fils de cheveux crépus et leur racine, j'le régule à coup de képris. On me réprime depuis la récré. J'ai plus de regrets, car si ça me déplaît, j'le réécris. J'en ai fait des rêves, mais avant que j'te les décrive, sache que c'est pas demain que ça arrive, donc ça reste un rêve. Comme quitter le 18ème et son putain de milieu aride. Être au sommet et insoumis, même si la pente est raide. Jamais tombé en rap, aucun poulet qui rôde. J'fais aussi des rêves crap, genre 3 meufs et un god. J'ai un rêve comme trouver ce putain de code qui bloque la porte à nos potes, enfermés dans un même bloc. Je fais aucun rêve biblique, je rêve qu'ils arrêtent de dire qu'un black mort est un bon black, mais qu'ils disent que ce sont claques. C'est Vincent et sa clique, TSR featuring Bruce, pas un moyen qu'on s'incline. Faire autant de rêves, c'est pas clean. Des rêves interminables qui tiennent dans une OCB slim. Je rêve pas interminable, je rêve que mes gosses soient libres. Je rêve que ma putain de vie soit beaucoup moins brève. Faut que j'arrête de rêver ou je mourrai en mort dans les lèvres. Hugo Boss, de quoi tu rêves? Je d'afro, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le guet? Des rêves, j'en ai plus. Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Des rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru. Hugo Boss, de quoi tu rêves? Je d'afro, je m'en souviens plus. Omri, c'est quoi le guet? Des rêves, j'en ai plus. Vincent, de quoi tu rêves? Rêve de quitter ma rue, Bruce Wallace. Des rêves, j'en ai des tonnes, laisse-moi kiffer l'instru.